ce mardi 17 janvier. Ici Dominique Lelièvre et les informations. Des inspecteurs du MAPAC s'en prennent au frigo libre-service du restaurant Soupe et compagnie. Depuis un mois, le restaurant de la 3e avenue propose à ses clients de laisser les restes de leur repas dans un réfrigérateur situé à l'extérieur du commerce pour les personnes dans le besoin. Mais le ministère de l'Agriculture, inquiet pour la salubrité des aliments, demande à Soupe et compagnie de retirer ce frigo sous peine d'amende, une décision que le restaurateur juge abusive. Précisons que le frigo du Parvis dans Saint-Roch ne semble pas menacé parce qu'il est approvisionné uniquement par la population et non par un restaurant. La Ville de Québec dresse un bilan positif de la première année des ateliers du réacteur. Depuis l'inauguration en décembre 2015, les espaces de création de la rue Saint-Vallier-Est ont profité à plus de 150 artistes professionnels en arts visuels et en métiers d'art. La SDC Saint-Roch, responsable du projet, a annoncé la signature d'entente avec la coopérative Méduse et la Maison des métiers d'art pour offrir aux usagers certains services à moindre coût. La vice-présidente du comité exécutif, Julie Lemieux, a pour sa part annoncé la création d'une nouvelle bourse pour soutenir les artistes féminines de la relève dans le cadre du programme Première Ovation. Enfin, à quelques heures du débat de la course conservatrice, Maxime Bernier peut compter sur un troisième appui dans la députation québécoise des conservateurs. Le candidat à la succession de Stephen Harper reçoit donc l'appui d'Alupa Clark, député de Beauport-Limoilou. Les 13 candidats déclarés de la course vont croiser le fer ce soir au Centre des congrès de Québec dans le cadre du seul débat français de la course, mais il y aura un grand absent dans la pièce. Des rumeurs veulent que l'homme d'affaires Kevin O'Leary, très connu dans le Canada anglais, mais aux compétences limitées en français, attende la fin de ce débat pour se lancer dans la course. Soleil, pluie, neige, vent, tempête, météo. Du soleil et moins 3 degrés cet après-midi à Québec côté météo. Il y aura des vents du nord-est qui vont souffler à 20 km/h. Ennuagement cette nuit, demain mercredi, faible neige intermittente et maximum de moins 5 degrés. Alternance de soleil et de nuages pour jeudi avec un maximum très confortable de plus 2. Présentement à Québec, le mercure indique moins 5 degrés, moins 12 avec le refroidissement éolien.